Retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, je reçois deux étudiants de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, un institut qui, comme son nom le suggère, est spécialisé sur la science et les technologies quantiques. Dans cet institut, il y a plus de 200 chercheurs, étudiants, professionnels de recherche qui explorent le cœur de la matière pour développer des technologies quantiques. Et on aura l'occasion d'en parler davantage car en 2025, l'année 2025 a été proclamée par les Nations Unies comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique. Donc, bien, à Futur Simple, on va en donner un avant-goût de cette année internationale de la science et de la technologie quantique. Et je reçois pour cela Olivier, Rodolphe Alquier et Sam Delavy. Bonjour Rodolphe, bonjour Sam. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, j'ai simplement dit votre nom, mais je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus. Vous êtes étudiant. Alors c'est ça, donc on est étudiant au doctorat à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Moi j'étudie particulièrement les matériaux magnétiques bidimensionnels. Mm-hmm. Alors pas de panique, le but c'est pas de comprendre tout de suite l'intitulé, mais on va le décortiquer ensemble. Bah, a priori, matériaux magnétiques, on se dit bon, ça a l'air compréhensible jusque là, ça va. Et Rodolphe. Oui, et puis moi donc j'étudie les liquides de spin quantique grâce à la résonance magnétique nucléaire. Donc là pareil, je suis conscient que c'est des mots assez compliqués dans une seule phrase, mais je suis ici ce soir pour essayer d'expliquer le mieux possible ce que ça veut dire. Eh ben, c'est par ça qu'on va commencer. Donc justement, avant de rentrer dans vos sujets de recherche respectifs, là, qui sont quand même on a besoin de notions de base. Donc là, j'ai entendu parler de spin quantique. Donc on va commencer par le spin d'abord. Qu'est-ce que c'est le spin, Rodolphe ? Oui, alors le spin, en fait, c'est une propriété fondamentale de la matière, au même titre que la masse ou la charge, par exemple. Et donc en fait, on peut s'imaginer ça comme étant une sorte de petit aimant élémentaire qui est accroché à chacune des particules. Mm-hmm. Donc on peut visualiser ça en fait comme une flèche qui pointe dans une direction de l'espace. Puis donc en fait la grandeur de cette flèche va donner la valeur du spin, et puis sa direction va donner l'orientation de l'aimant en quelque sorte. Mm-hmm. Et donc le spin va dicter aux particules leurs propriétés magnétiques. Parmi elles, il y en a plusieurs. Il y a le fait que par exemple si je soumets un spin à un champ magnétique, ce spin va chercher à s'aligner, à se mettre dans la même direction que le champ magnétique que je lui applique. Mm-hmm. Et toutes aussi, les particules d'un atome, là, toutes les particules d'un atome vont aligner leurs spins dans le même, conformément au champ magnétique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un atome, c'est un noyau avec des électrons. Puis généralement, si on parle du spin d'un atome, on parle du spin de ses électrons. D'accord. Et donc, en fait, ce spin-là va chercher à s'aligner avec le champ magnétique. Mm-hmm. Et donc là, ça fait une bonne transition à ce que je voulais dire, c'est que l'autre propriété, c'est que si on met plusieurs spins ensemble, par exemple, si on met plusieurs atomes côte à côte, leurs spins vont interagir. Et donc la plupart du temps, ils vont chercher à s'accorder en soit pointant tous dans la même direction, soit faire en sorte que chaque spin soit dans une direction opposée à celui de ses voisins. Mm-hmm. Donc en quelque sorte, ils s'ordonnent parce qu'ils se mettent d'accord sur un ordre qu'ils vont prendre. Donc pour des termes un peu techniques, on parle d'ordre ferromagnétique ou d'ordre antiferromagnétique, mais bon, ça c'est pas important. Et par exemple, un exemple de la vie de tous les jours, c'est les aimants qui sont collés sur votre frigo. Ouais. Si on regarde un aimant de votre frigo, si on le regarde à l'échelle des atomes, ce qu'on verrait, c'est plein d'atomes côte à côte qui ont un spin. Puis ces spins-là, ils pointent tous dans la même direction. Mm-hmm. Et comme c'est des petits aimants, s'ils pointent tous dans la même direction, ça fait comme un gros spin qui pointe dans une grande direction. Donc ça fait un gros aimant. Ah. Et c'est pour ça que ça peut coller sur votre frigo. Ah, voilà le secret de l'aimant révélé par Rodolphe Alquier. Exactement. Alors là, donc, on imagine un petit peu ce que sont que ces spins. Mais là, vous avez dit, Rodolphe, tout à l'heure, là, il y a des liquides de spin. Donc, qu'est-ce que c'est que ces liquides de spin, Sam, peut-être? Alors, comme dans les matériaux que Rodolphe vient de décrire, quand on augmente la température, les spins des atomes vont se mettre à bouger en fait dans tous les sens. Ouais. Et donc ils ont plus de direction fixe comme il vient de l'expliquer. Alors donc ça c'est dû au fait qu'ils gagnent de l'énergie grâce à la chaleur entre parenthèses, mais en refroidissant en fait, ces spins vont avoir froid en fait entre guillemets, et donc ils vont se fixer selon une orientation. Mm-hmm. Bon, dans le liquide de spin quantique, il y a une forte interaction entre les spins. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils réagissent de la même manière. Sauf que c'est pas le cas. Et même à 0 Kelvin, c'est-à-dire le zéro très absolu, froid, là, ouais. Exactement, la température la plus froide de l'univers, eh ben, il ne s'aligne pas, il continue de bouger. Donc avec Rodolphe, on aime utiliser l'image du fait qu'ils exercent une danse quantique. Ah, c'est joli. C'est une belle image, je trouve. Donc au lieu de tout s'aligner, finalement, même s'il fait même à température très très froide, ils ne se fichent pas, ils restent en... Ils dansent, voilà. Exactement. Ouais, d'accord. Et alors, en fait, est-ce que ça se répercute sur des propriétés particulières, ça, le fait qu'ils dansent, que les spins dansent? En fait, c'est juste que, en fait, si on va chercher à mesurer des propriétés magnétiques de ces matériaux-là, on pourrait croire qu'il n'y en a pas. Mm-hmm. Donc on pourrait dire, en fait, il n'y a pas de spin dans le matériau que je regarde. Mais en fait, c'est pas le cas. Il y a bel et bien des spins, ils sont là, ils interagissent très fortement entre eux, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc en fait, a priori, il n'y aurait pas de signe de magnétisme quelconque. Mais mm-hmm. en fait, il y en a bien un, quoi. Mm-hmm. Donc il y a des grandeurs qu'on peut mesurer, qui mettent en avant, enfin qui nous permettent de dire qu'il y a des spins, mais ils sont en train de bouger, quoi. C'est pas fixe. Mm-hmm. Et pourquoi on s'intéresse à ces liquides de spin quantique? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Là, je dirais que la première raison, elle est historique. Donc, dans les années 70-80, il y a des scientifiques qui ont avancé un potentiel lien entre le liquide de spin quantique et les supraconducteurs à haute température. Alors, petite parenthèse. Ouais, le supraconducteur. Exactement, je vais expliquer rapidement. Donc, c'est un état de la matière dans lequel... la résistance, donc c'est des matériaux dans lesquels la résistance électrique est nulle. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Quand on applique un courant électrique dans ce matériau, l'énergie ne se dissipe pas. Bon, alors ça implique plein de propriétés inédites, donc notamment dans le stockage de l'énergie. Et sauf qu'on n'a jamais, le problème c'est qu'on n'a jamais trouvé de matériaux supraconducteurs dans des conditions normales, c'est-à-dire température ambiante, pression atmosphérique. Mmh. Et donc, en fait, apprendre sur le liquide de spin quantique, ça nous permettrait de comprendre un peu mieux ces supraconducteurs. Ça, c'est la première raison qui est historique. Et puis, d'autre part, en fait, théoriquement, dans le liquide de spin quantique, il y aurait potentiellement des particules, au même titre que les électrons autour des atomes, les photons qui composent la lumière, les protons. Donc ce sont des particules qui sont, en fait, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et comprendre, enfin découvrir ces particules, ça nous permettrait d'avancer énormément sur la physique fondamentale et notamment des matériaux mmh. quantiques. Et donc je peux aussi vous parler d'ordinateurs quantiques, ouais. peut-être rapidement. Donc en fait ce sont des ordinateurs qui se basent sur des principes de la mécanique quantique. En fait ces ordinateurs permettraient des calculs bien plus rapides et efficaces pour des problèmes bien, bien spécifiques. Et ces ordinateurs là sont très sensibles aux perturbations. Donc la moindre perturbation peut vraiment interférer avec le calcul. Et donc, y a des études qui ont prédit des ordinateurs quantiques basés sur ces particules mm-hmm. de liquide de spin quantique et montrent que ça pourrait être bien plus robuste que ce qu'on a actuellement. Mm-hmm. Donc là, dans vos travaux de recherche, parce qu'on a un peu du mal à démêler le fondamental de l'appliquer, parce qu'on a l'impression qu'on est encore en train de chercher, mais comment ça marche, comment s'établissent les liquides de spin quantique, quelles sont les propriétés de cette matière-là, et en même temps, on en est déjà à penser à des applications sur les ordinateurs quantiques ou les supraconducteurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même loin entre ce que la recherche fondamentale et puis les applications là. Tout à fait, mais c'est le cas même dans plein de domaines de la physique. Je veux dire, il y a eu énormément d'avancées sur plein de domaines. On a pu découvrir des aspects fondamentaux qui, pour le commun des mortels, on va dire, ne parlent pas du tout. Mais au fur et à mesure, ouais. Des applications se trouvent avec ces notions fondamentales. Et donc, on espère que le liquide de spin quantique, ouais. si on le découvre un jour, pourrait... Voilà, exactement. D'où l'intérêt de faire de la recherche fondamentale pour un jour déboucher sur ces applications. Moi, ça m'arrive souvent qu'on me demande à quoi ça sert ta recherche, en fait. C'est quoi les applications ? J'aime bien utiliser l'image du fait que, en fait, en physique, parfois, on fait des recherches qui n'ont pas un intérêt direct sur la société. Mais en fait, c'est un peu comme... je sais pas, si on empilait plusieurs travaux de recherche les uns sur les autres, au final... ça va aboutir à une découverte qui va changer qui va bouleverser la société, mais qui n'aurait jamais pu être faite s'il n'y avait pas eu ces petits travaux de recherche avant qui ont permis de mieux comprendre ce qui se passait. Quoi. C'est comme le millefeuille. Exactement. Le millefeuille. Exactement. Pâtisserie. Exactement. Chaque feuille, c'est pas terrible, mais quand on met le millefeuille ensemble, c'est bon. C'est exactement ça, exactement. Mais après, ce qu'on se demande, mais comment on fait pour étudier cette matière-là ? Quand même, c'est tellement minuscule, c'est inimaginable. On a du mal à se représenter. Donc, vous allez sans doute me l'expliquer, là, chacun à votre tour, dans vos projets de recherche. Comment on fait pour rentrer dans le cœur de la matière et explorer cette matière-là ? Alors, moi, personnellement, mon doctorat, il se concentre sur l'étude des matériaux bidimensionnels. Ouais. Alors, ce sont des matériaux dans lesquels il y a des couches d'atomes empilées les unes sur les autres. D'accord. Donc un peu à la manière d'un millefeuille, justement. et donc en fait, les interactions entre les couches sont plus faibles que les interactions entre les atomes. Donc en fait, ça nous permet de séparer une à une les couches d'atomes qui composent le matériau et de les séparer jusqu'à une seule couche. Mm-hmm. Et donc on se restreint à deux dimensions finalement. Okay. Donc pourquoi j'étudie ça ? Oui. Alors il y a des études théoriques qui ont montré que les liquides de spin, il pouvait y avoir des liquides de spin quantique dans les matériaux bidimensionnels. Et en plus de ça, quand le nombre de couches de ces matériaux diminue, les fluctuations magnétiques augmentent. Donc, je rappelle, les fluctuations magnétiques, ça pousse en fait les spins à bouger. Ils bougent plus facilement quand ils reçoivent plein de ces fluctuations. Et donc, on approcherait les conditions du liquide mm-hmm. de spin quantique. Mm-hmm. Mais là, donc, c'est une couche d'atomes, mais pas n'importe quel atome. J'imagine, je ne sais pas, si je prends du carbone, est-ce que ça marche ? Totalement. Cette découverte, ça a donné lieu à un prix Nobel. Ah. Justement, le graphène, en fait, c'est quand on prend le carbone, peut se cristalliser. Dans un matériau qu'on appelle le graphite. Mm-hmm. Et puis, y a des gens qui ont utilisé un scotch tape pour séparer les couches d'atomes jusqu'à une couche d'atomes, et ça a donné le graphène, un matériau qui est maintenant très connu. Mais le scotch tape est plus épais que la couche d'atomes. Oui, ouais. Et ça marche quand même. Ouais. C'est quand même possible de le D'accord. faire. D'accord. Et comment on étudie les propriétés physiques de cette couche d'atomes ? Alors, déjà, juste pour rappeler, les liquides de spin quantique. Donc il n'y a pas d'ordre magnétique dedans, c'est-à-dire que les spins vont dans tous les sens. Donc le but expérimentalement, c'est de mesurer le magnétisme, donc s'il y a un ordre ou pas, et on va espérer ne pas trouver d'ordre. Bon, c'est juste pour rappeler, pour poser les bases de ce qu'on mesure. Alors sonder les matériaux 2D, c'est très difficile. Sonder leurs propriétés magnétiques, c'est très difficile. On ne peut pas utiliser toutes les techniques habituelles. Mais on va se baser sur un principe de la mécanique quantique qu'on appelle l'effet tunnel. Donc c'est, imaginons qu'on prenne deux matériaux électriques, d'accord ? Donc des électrodes, on les sépare par un isolant. Classiquement, les électrons ne peuvent pas passer d'une électrode à l'autre. Ils voient une barrière, en fait. Eh bien, grâce à la mécanique quantique, on peut dire qu'il y a une probabilité que ces électrons passent à travers l'isolant. Donc, ces électrons vont rencontrer les spins dans l'isolant et il y a un courant électrique qui va se dégager des électrons qui tunnelent, en fait. Ce courant électrique-là va dépendre du magnétisme de l'isolant. Mmh. Donc, comment on implémente ça avec les matériaux 2D ? Le principe que j'ai expliqué, c'est on peut séparer ces couches et les empiler comme des briques, en fait, comme des Legos un peu. Mmh. Et donc on peut prendre une couche de métal, une couche d'isolant et une couche de métal, et on peut les empiler ensemble et en faire un espèce de sandwich. Après on peut mesurer à travers ce dispositif le courant et remonter au magnétisme. D'accord. Donc là, on a nos couches différentes là, de métal, d'isolant, donc de spin, donc avec un matériau dans lequel il y a un spin. Exactement. Ouais. Et donc le courant passe dedans, à travers, ouais, malgré que ce soit isolant, il passe quand même. Et en fonction du type de courant, on en déduit les propriétés qui sont étaient dans le matériau au milieu. Tout à fait. C'est très bien résumé. Mmh. Bon, on va faire de moi une physicienne. D'accord. Et donc là, est-ce que vous avez observé, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Alors principalement, on n'a pas encore trouvé le liquide de spin quantique ultime là, mais on a des résultats super intéressants parce qu'en fait, on remarque qu'en réduisant le nombre de couches, on modifie les propriétés magnétiques. Et donc ça, c'est déjà une bonne piste pour aller plus loin, pour peut-être chercher un autre matériau, peut-être explorer en plus en profondeur les matériaux. Mais là, concrètement, comment on fait ça? Est-ce que ça se manipule avec les doigts, avec des pinces, je sais pas, sous un très microscope? On fait ça comment très concrètement? Très bonne question. Alors, j'utilise un microscope, en effet, et avec une petite machine mécanique, donc avec des vis qui vont permettre de déplacer au micromètre près. Parce que c'est une affaire de micromètres, donc plus petit qu'un cheveu. Et avec ces vis, on est capable de déplacer tout ça. Là. Mmh. Parce que c'est pareil, quand on fait passer le courant, je sais pas, le courant, il n'arrive pas dans des matériaux nanométriques non plus. Là. Oui. Il arrive quand même dans des fils qui sont un peu plus gros, arrive quand même à relier ça. C'est ça, parce qu'en fait, on utilise des fils de plus en plus petits. Donc, en l'occurrence, on appelle ça la micro-soudure. Et donc ce sont des très petits fils qui vont être contactés sur des contacts qui eux-mêmes sont reliés au matériau. Donc c'est toute une question d'échelle qui grandit au fur et à mesure. Doit être assez impressionnant à voir. Ça, j'essaie d'imaginer le laboratoire, les équipements dans le laboratoire, ça doit être assez intéressant. Et Rodolphe, donc là tout à l'heure il était question d'études de spin, mais avec IRM. Par résonance magnétique nucléaire. C'est ça. Je vais y revenir après avec l'IRM, mais les liquides de spin, enfin c'est assez cool quoi, mais le problème c'est qu'on en a pas encore trouvé. On a des bons candidats quoi qui nous laissent penser que ce sont des liquides de spin, mais ça fait encore débat. Alors pourquoi c'est le cas? C'est parce que pour rappeler, en physique il y a la théorie, la physique théorique, puis la physique expérimentale. Donc la physique théorique, c'est tous ceux qui vont résoudre des équations, faire des simulations, et avec ça ils vont être capables de faire des prédictions. Et puis il y a les expérimentateurs qui sont eux là pour tester ces prédictions là. Et donc en fait le problème c'est que les conditions, donc les théoriciens ont réussi à montrer que les liquides de spin existaient, mais les conditions pour que ça existe, elles sont un peu idéales, quoi. C'est dur à obtenir, c'est ça, c'est pas réalisable dans la vie de tous les jours quoi, pour les expérimentateurs. Donc, il y a tous les matériaux, tous les candidats liquides de spin, ils ont leur lot d'impuretés et leur lot de défauts. Puis on est plus dans une étape de la recherche où on cherche à comprendre quel est l'impact de ces défauts, de ces impuretés, pour en fait rendre plus robustes nos modèles théoriques qui permettront de dire si oui ou non on a un liquide de spin quantique ou pas. Donc moi, mon projet en fait, il consiste à étudier un nouveau matériau qui a été découvert en 2020 aux États-Unis. Donc en fait, si on regardait ce matériau, si on zoomait à l'échelle des atomes, ce qu'on verrait, c'est des plans formés par des atomes, par certains atomes, donc un empilement de plans. Puis, donc entre ces plans, il y a d'autres atomes, là, c'est pas très important. Mais c'est des atomes de quoi? Un élément particulier? Tout à l'heure, on parlait du carbone, mais c'est quoi? C'est du fer? C'est de l'or? C'est quoi? Ben, en fait, ce qui est important, c'est de travailler avec des atomes qui ont une petite valeur de spin, donc le spin le plus petit possible. Et par exemple, un de ces atomes, c'est le titane. Et donc moi, je travaille avec des atomes de titane, donc les plans là dont je parlais, c'est formé par des atomes de titane. Et donc voilà, et donc en fait, les théoriciens ont prédit que le liquide de spin quantique existerait dans les plans, dans les plans de mon matériau. Et donc en fait, le matériau que j'étudie, il y a déjà eu des mesures qui ont été faites par des Américains qui ont montré en fait qui nous laissent penser que c'est un très bon candidat liquide de spin quantique. Sauf que le problème, c'est que ces matériaux-là, ces mesures-là, ont été faites sur le matériau au complet. Donc c'est-à-dire sur les plans, puis sur avec les atomes qu'il y a entre les plans. Mais donc les plans, c'est comme une feuille dont comme parlait... Une feuille, comme, exactement. D'accord. Comme une feuille... Donc c'est aussi un matériau bidimensionnel, comme disait Sam. Je pense que oui, ça a les mêmes propriétés, plus ou moins... Il ouais. faudrait que, pour que, faut... que ce soit, qu'on puisse séparer les couches entre elles. C'est ça. Ah, ça, je ne suis pas sûr encore. D'accord. Il faudrait que j'en discute avec Sam, mais ouais. mais donc voilà, nous, en fait, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est juste les plans, enfin les feuilles, parce que c'est là où il y a le liquide de spin. Donc en fait, nous, on aimerait faire une mesure plus locale, c'est-à-dire mesurer vraiment dans ces feuilles-là et ne pas regarder les atomes qu'il y a entre les feuilles parce qu'on s'en fiche un peu. Et donc pour ça, on se sert de la résonance magnétique nucléaire. Donc ça, c'est un peu des mots compliqués là, bah ça fait oui, un peu parce peur que parce qu'il y a bah nucléaire. C'est parce que on se dit c'est à l'hôpital qu'on va des fois. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est le c'est un concept physique qu'on retrouve dans les IRM qu'on fait dans les hôpitaux. Ouais. Donc les IRM, je vais essayer de vulgariser ce qui se passe dans une IRM puis ensuite faire le lien avec mon projet. Ouais. Donc dans une IRM, qu'est-ce que c'est? C'est un gros tube là dans lequel la personne rentre. Donc ce gros tube, qu'est-ce que c'est? C'est un aimant, c'est un très gros aimant qui va générer un très gros champ magnétique. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aligner tous les spins, que je rappelle qui sont des flèches. Ouais. Ça va aligner tous les spins qu'il y a dans notre corps. Puis ensuite, avec un autre petit champ magnétique, on est capable de tourner à 90 degrés quelques spins. Par exemple, si on veut regarder ce qui se passe dans ma main, on va tourner à 90 degrés tous les spins qu'il y a dans ma main. Puis ça, quand je vais enlever le petit champ magnétique, ces spins-là, ils vont chercher à se réaligner à nouveau avec le gros champ magnétique là, généré par le tube. Et en faisant ça, ils vont émettre de l'énergie. Et cette énergie, on est capable de la détecter. Ah. Et avec ça, on est capable de reconstruire une image de votre main. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est comment fonctionne une IRM. Moi, c'est, ce que je fais, c'est de la résonance magnétique nucléaire. C'est adapté. C'est-à-dire que ce n'est pas un gros tube dans lequel je vais mettre mon matériau. Là, c'est un peu plus petit. C'est un peu adapté au matériau. Mais l'idée reste la même. C'est-à-dire que je vais soumettre mon matériau à un très gros champ magnétique. Je vais tourner seulement quelques spins, donc essentiellement les spins qu'il y a dans mon plan, dans les plans où il y a le liquide de spin. Je vais les faire pivoter, puis je vais les laisser retourner, s'aligner avec le champ magnétique. Et avec ça, je vais pouvoir mesurer des grandeurs qui vont me permettre de tirer des conclusions sur leur environnement, et notamment sur s'il y a un ordre magnétique dans ce matériau ou pas. Et donc là, nous, nos résultats, ce qu'ils ont montré, c'est que... on est descendu jusqu'à 30 millikelvin, donc c'est 0,03 degrés au-dessus du zéro absolu, donc ah c'est ouais. très froid. Ah ouais. Puis on a montré que les spins continuaient de bouger à cette température-là. Ah oui. Ils ne s'ordonnent pas, ouais. alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils s'ordonnent à des températures beaucoup plus hautes. Donc c'est quand même assez Mais tout à l'heure, vous disiez que même à température froide, à température très très très très froide, les liquides de spin justement ne s'alignaient pas, ils continuaient de danser. Ouais, c'est ça. Ben, moi là, mes spins à 0,03 degrés, ils continuent de danser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un liquide de spin. Potentiellement. Alors il faudrait continuer des études dans cette direction-là, mais c'est un très bon indice d'un liquide de spin. Ouais. D'accord. Exactement. Et est-ce que cet état-là, il est pas stable? Parce que je comprends que cette danse-là, ça gigote. Mais est-ce que c'est un état qui se maintient ou est-ce qu'ils finissent quand même par se figer? Alors, c'est une très bonne question. Théoriquement, parce que si on veut s'en servir, il faut maintenir cet état-là. Théoriquement, ces spins-là ne pointent pas dans une direction, donc ils ne s'ordonnent pas. Ouais. Mais ils forment un état quantique ordonné. Donc, c'est un ordre un peu plus différent, un peu plus compliqué. On dit qu'ils forment des singulés. Ah. Donc les singulés, c'est un peu des états compliqués de la matière. On dit que le spin pointe à la fois dans une direction, donc par exemple vers le haut, et vers le bas en même temps. Et tous les spins font ça. Et voilà, donc c'est un peu un ordre différent d'un ordre classique où ils pointeraient tous dans la même direction ou dans des directions opposées. Mais ça reste quand même un ordre. Eh ben, en tout cas, c'est fascinant de vous entendre parler comme ça de ce qui se passe au cœur de la matière. Ça ouvre des petites étoiles dans la tête. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font donc ces étudiants? Mais bravo, bravo. Puis j'imagine qu'en plus, autour de vous, il y a d'autres... Vous avez d'autres coéquipiers, d'autres collègues étudiants qui fouillent comme ça le cœur de la matière. Ouais. Alors, merci beaucoup d'être venu de Sherbrooke, quand même. Ouais, merci beaucoup, Valérie. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu, puis de nous avoir démystifié comme ça ce que c'était que ces liquides de spin quantique et comment on les étudie. dit. Merci à vous. Merci. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Rodolphe Alquier et Sam Delavie, tous deux étudiants au doctorat à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.